serait cool. Je peux monter avec toi? Ouais, bien sûr. Attends. C'est quoi, c'est doux. Ah oui. Ok. En fait, c'est que genre le Jardinica, c'est genre, une note, t'as 12 fois 12 octaves sur ta note. Après. Par contre, il y a des harmonicas chromatiques. C'est trop chaud. Ça va être trop chaud. Ça. Dis donc. C'est vachement bien ça. Ça n'a aucune incidence. Oui, je sais. Je crois que j'ai besoin d'une pause aussi, en vrai. J'ai pas l'habitude de jouer sur électrique et encore moins avec autant d'effets. T'as quoi? J'ai pas l'habitude de jouer sur une guitare électrique et encore moins avec autant d'effets. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, en vrai. Il est super fin le manche par rapport au mien. Bah ouais, hein. Je crois qu'il y a 2,5 fois moins de manches que sur une guitare acoustique. Mais encore, tu vois, les Schecter, ce que je te disais, genre les manches sont super plats. Et sur les Ibanez aussi, pareil. Ouais. Sinon, j'ai hésité à prendre une guitare japonaise, genre une Momose ou. Ouais. Ou encore. Une Black Smoke. Je connais pas. Rien, j'ai fait des recherches. Moi, j'aime trop faire des recherches sur des trucs que je peux pas acheter. Moi aussi, t'inquiète. Bah, surtout sur des instruments de musique, j'en ai fait tellement. J'étais en train de me demander comment on met ça en rempli. J'étais en train de me demander comment on met ça en rempli. Comment on met ça en ça. Tu fais pas une pause toi finalement? Comment? Tu fais pas une pause toi finalement? Je te parle, je suis parti aux toilettes. Oui, c'est oui, je sais. Pas mal ça. C'est une guitare, c'est peur de... C'est une guitare japonaise? Ouais. Vraiment, j'ai trop aimé son look, surtout. Il est trop belle et les micros, ils sont super aussi. C'est des micros actifs. Mmh. Et 7 cordes, évidemment. Une fois une guitare à 7 cordes, c'est non négociable. Ouais. Une fois aussi une mandoline et un iwi. Et. Non, moi j'aimerais bien choper la basse de mon frère. Une basse aussi. Mmh. Moi aussi j'aimerais bien choper la basse de mon frère. J'aimerais choper tous les instruments de la planète. Que pour moi. Fou. Genre, plus personne n'a d'instruments que moi. Le seul personne à en posséder. Et ouais, j'ai tous les instruments. J'ai m'amusé toute la journée, j'ai même plus manger. J'ai ramené ça, ça va. Je sais. Espèce de capitaliste. C'est ok. Je vais me faire pendre dans le jardin. En vrai, Joël, elle pourrait faire ça, elle se ferait tous les 7 ans. Ouais, c'est bah, ça quand il était plus jeune. C'est ok. Ouais. Tous les 7 ans, j'ai changé de peau, donc c'est bon. C'est si dans les veines, c'est sûr que je peux le faire aussi. Bah, c'est pas dans les veines, tu vois, mais tu joues du piano, tu joues bien du piano, tu sais comment sonne bien un piano. Ouais. Genre, en mode, tu sais comment fonctionne un piano, surtout. Genre... Bah, en vrai, pas autant, parce que je joue toujours sur des pianos électriques, tu vois. Je crois que j'ai peut-être un petit... Vu que c'était pas accordé. J'ai peut-être... Parce que quand tu pètes une corde avec ça, genre la tension, parce que des springs derrière et tout, qui maintiennent la tension. Tu me disais ? J'ai peut-être besoin d'une... une formation. Ah bah... En vrai... Genre c'est en mode... Pas fou, c'est pas super. Surtout que tu peux pas continuer. Je suis pas sûr de si t'es obligé d'avoir une formation pour travailler en tant qu'indépendante. Mais t'as vu ce que j'ai fait avec. Genre en mode de toute façon, genre et ça va. En fait, je sais pas. Et ça fait longtemps que tu as ces cordes-là en plus. Parce que je connais un mec dans d'autres pays, je sais que t'as pas besoin. À chacun de ses concerts, il pète au moins une corde sa guitare. En général, c'est ça. Un mec que je connais. Qui jouait dans King Kong Buff à un moment. Ok. Ah ouais. Et il y a eu des petites embrouilles. Ah. Du coup, il n'est plus dans King Kong Buff. Ok, d'accord. Il a créé un groupe qui s'appelle King Kong Mec. Non, mais c'est ce avec mon meilleur ami, on n'arrête pas. Parce que lui aussi, il connaît bien la chanson de King Kong Buff et tout, on n'arrête pas de faire la vanne, on va s'appeler genre. Ping Pong Ruff. J'adore. Ping pong meuf. Et on fait que des parodies de leur musique. Non. Ouais. En vrai, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon média? Tu as la mute ? Ouais, mais c'est là qu'il y a le concert Rock Cumbia. Ah, trop bien. Ah, le Rock Cumbia ? Moi, je sais pas si je vais à la mute, parce que hier j'ai croisé mon ex à la mute. Ah. L'ex canonique. Ouais, c'est vraiment l'ex canonique. Vous voulez plus de gerbier ?